écoutez Futur Simple sur CKRL au 89,1 et comme François vient l'annoncer, nous commençons l'émission sur un sujet d'urbanisme. Donc on nous annonçait de la pluie pour ce soir, je ne l'ai pas vue mais bon elle va peut-être venir et on se pose toujours la question de savoir où va cette eau qui tombe dans les rues. Bah, elle va aux égouts naturellement, mais encore faut-il que les égouts soient assez gros pour recueillir toute l'eau. Et dans un contexte de changement climatique où on anticipe que les pluies deviennent plus importantes, plus fréquentes, les égouts actuels seront-elles suffisants? Ben, ce n'est pas de la science-fiction, c'est des questions qu'étudient actuellement des chercheurs de l'INRS. Et c'est pourquoi j'ai invité Samuel Bolduc, il est assistant de recherche à l'INRS et il va nous expliquer un peu plus ce dont il s'agit. Bonjour Monsieur Bolduc. Bonjour. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter ainsi que le laboratoire dans lequel vous travaillez. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, je suis assistant de recherche à l'Institut national de la recherche scientifique au Centre Haute-Terre-Environnement qui est ici à Québec, dans le quartier Saint-Roch. Je travaille pour le professeur-chercheur Alain Maillot. Donc, on a toute une équipe avec des étudiants de maîtrise, au doctorat, post-doctorat, bon, d'autres assistants de recherche comme moi. Et en gros, bon, on a deux axes de recherche. Le premier, c'est tout ce qui concerne la pluie, que ce soit la pluie en climat historique, donc la pluie du passé, celle qu'on a déjà observée, et la pluie aussi en climat futur qu'on obtient bon, à partir de modèles climatiques. Donc ça, c'est un premier axe. Ce qu'on cherche à voir là-dedans, c'est comment les régimes de pluie vont évoluer en climat futur. L'autre axe de recherche, qui est très relié au premier, en fait, lui, porte sur la gestion des eaux de ruissellement. Donc, à savoir, est-ce que les réseaux d'égouts qui sont en place actuellement vont être aussi performants? Est-ce que le niveau de service qui est offert par nos réseaux d'égouts actuellement va être le même en climat futur ou est-ce qu'il va être inférieur ou supérieur? Mais dans le cas qui est inférieur, à ce moment-là, il faut mettre des mesures d'adaptation en place. Oui. Et donc, quand on parle de changement climatique, bon, ça va impacter les infrastructures parce que les modèles prévoient qu'il y aura plus de pluie? Ce qu'on a retrouvé dans nos derniers résultats, c'est pour les événements de pluie intense. Par exemple, ceux qu'on a l'été, les orages, les pluies qui surviennent très rapidement, qui ne durent pas très longtemps, mais qui génèrent beaucoup d'eau. Pour ces événements-là, on s'attend à une augmentation pour le sud du Québec, disons globalement, de 15% de l'intensité. C'est-à-dire que ces événements-là seront plus nombreux ou pendant ces événements-là, il pleuvra davantage? Il va pleuvoir davantage. En fait, les événements vont être plus intenses. D'accord. Et à ce moment-là, bon, les réseaux d'égouts ont été conçus à partir des pluies historiques et on se basait sur le fait que le climat évoluait pas et donc que les régimes de pluie évoluaient pas non plus. Donc, ce qu'on se disait, c'est que le réseau d'égouts qu'on met en place va offrir à peu près le même niveau de service tout au long de sa durée de vie. Mais là, on sait que c'est pas le cas. Justement, si on a une augmentation des événements plus intenses de 15%, on peut s'attendre à avoir, par exemple, une augmentation des zones à risque en matière d'inondation dans les milieux urbains, donc dans les villes. Ou encore, on pourrait s'attendre à avoir une augmentation justement de la fréquence des inondations. Et ça, pour une ville, bon, mais c'est un peu la bête noire parce que des inondations, bon, il y a des coûts qui sont reliés à ça. Il y a des citoyens qui ne sont pas contents après des inondations. Il y a des plaintes, il y a des recours collectifs, donc tout avec une bataille juridique là, qui suit. Donc, dans ce cas-là, c'est assez certain qu'il faut mettre des mesures d'adaptation en place. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On grossit les tuyaux? Ben, grosso, les tuyaux, bon, c'est une option. Ce serait une option qui serait très coûteuse, par contre. Bon, faut penser que quand on veut sortir un tuyau pour le remplacer, ben, justement, il faut enlever tout ce qui est au-dessus. Et par la suite, bon, ben, il y a tous des impacts. Si on remplace les tuyaux et qu'on en met des plus gros, ben, au final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évacuer l'eau plus rapidement, par exemple, dans les cours d'eau, là, qui sont situés près des villes. Et donc, ça veut dire qu'on va envoyer des débits énormes dans les cours d'eau. Déjà, actuellement, il y a une grosse problématique qui est reliée à ça, où les cours d'eau qui sont situés en milieu urbain, souvent, on a des phénomènes d'érosion, de glissement de terrain qui sont importants. Donc, si on augmente le débit dans les milieux récepteurs, dans les cours d'eau, à ce moment-là, bon, on peut penser à avoir des phénomènes de glissement de terrain, d'érosion encore plus importants. C'est ça. Donc, les berges vont se dégrader plus rapidement. D'accord. Exactement. Ouais. Et puis, il y a toute la question aussi des réseaux d'égouts unitaires. Bon, la ville de Québec est toute la partie plus vieille et desservie par des réseaux d'égouts unitaires. C'est-à-dire qu'il reçoit les eaux usées domestiques puis les eaux pluviales à la fois. Ouais. Et quand la station d'épuration des eaux n'est pas capable de gérer toute cette eau-là, à ce moment-là, les eaux sont envoyées dans les cours d'eau. Et là, si on a des événements plus intenses, on peut penser qu'il y a les volumes de la pollution, parce que finalement, c'est les eaux grises, les eaux sales qui vont se retrouver dans les cours d'eau. C'est ça. Donc, on va augmenter les volumes qui vont être dirigés dans les cours d'eau. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Quelles sont ces solutions? D'autres solutions. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est ralentir le ruissellement. Donc, si on veut le retenir pour peut-être par la suite l'envoyer. Mais on ne peut pas empêcher la pluie de tomber. Non, c'est ça. La pluie tombe, on la recueille, mais on conserve la pluie à certains endroits, bon, par exemple dans des bassins de rétention. Okay. Donc, ça, c'est une méthode pour ralentir l'écoulement des eaux. L'eau va tout de même s'en aller vers le cours d'eau, mais avec des débits plus faibles. Donc là, il y a un peu moins de conséquences. Ça va être étalé dans le temps, finalement. Exactement. Et puis, ce qu'on peut faire, ce qui est peut-être le mieux, c'est de réduire les apports, donc de faire en sorte qu'il y ait moins d'eau qui rentre dans le réseau, ce qui peut être obtenu en favorisant l'infiltration ou encore en favorisant l'évaporation, là. Oui, donc infiltration, ça veut dire quoi? Bon, l'infiltration, en fait, c'est que lorsque l'eau tombe, si on prend un milieu naturel, par exemple un milieu forestier, la majorité des eaux de pluie qui vont tomber sur le territoire vont s'infiltrer dans le sol. Donc, elles vont rentrer dans le sol pour aller rejoindre la nappe phréatique. En milieu urbain, c'est très imperméable. Donc là, les eaux ne s'infiltrent plus dans le sol. Mais il faut trouver des façons pour favoriser l'infiltration dans le sol. Pour le citoyen, ce que ça veut dire, en fait, c'est de débrancher ses gouttières. Mm-hmm. Donc, d'éviter d'envoyer sa gouttière sur son entrée qui est asphaltée ou dans son drain de fondation. C'est ça, parce qu'en fait, c'est parce que toutes les surfaces asphaltées ou avec des recouvrements de surface sont étanches, là, sont imperméables et ne permettent pas à l'eau de pluie de rentrer dans le sol. Oui, exactement. Donc, ce que vous dites là, c'est d'empêcher que c'est de permettre à l'eau de pluie de retourner dans le sol lui-même. Donc, c'est d'envoyer ses gouttières, par exemple, sur des zones perméables, sur la pelouse. Et là, l'eau va s'infiltrer. Dans les endroits publics ou dans les endroits où il y a des très grands stationnements, mais là, on va mettre en place des aménagements qui vont justement capter l'eau, les eaux de ruissellement, puis favoriser leur infiltration. C'est des genres d'aménagements, on va parler de jardins de pluie, où on a une légère dépression, on a un terreau qui est quand même très épais, environ 60 cm, et on a plein de plantes à l'intérieur de l'aménagement. Mm-hmm. Donc, les eaux sont recueillies par l'aménagement, puis par la suite, il y a de l'évaporation, il y a de l'infiltration qui s'effectue. Donc, à ce moment-là, on réduit les apports vers le réseau d'égouts. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être fait à côté des stationnements? Oui, par exemple. D'accord. C'est ça. En fait, pour les cas à Québec, on a à la Maison O'Neill, où il y a un jardin de pluie, la Maison O'Neill qui se situe sur le boulevard Amel, il y a un jardin de pluie qui a été fait et qui recueille justement les eaux de ruissellement qui proviennent d'une zone de stationnement tout près. Mais c'est un des rares cas qu'on a de jardin de pluie à Québec. Bon, à Montréal, on en a un peu plus, mais par la suite, si on se dirige un peu plus vers l'ouest, Ontario, tout ça, ils en ont déjà un peu plus. Puis il y a plusieurs villes américaines qui ont énormément d'aménagements de ce genre-là qui ont été mises en place. Là. Mais ça paraît comme des mesures un petit peu ponctuelles. Bon, je vais débrancher ma gouttière, ou tel stationnement, tel magasin, tel stationnement, on va mettre un jardin de pluie. Est-ce que finalement, toutes ces mesures peuvent réellement solutionner le problème? Bien, c'est certain. Si on met seulement qu'une mesure en place pour un stationnement, on n'aura pas d'impact au final si on prend tout un secteur, toute la ville. Mais c'est sûr que ça prend des aménagements ou des mesures qui vont être mises un peu partout sur les territoires. C'est vraiment à grande échelle que ça va avoir un impact, là, en fait. Là. Et ça va avoir un impact beaucoup plus grand sur les événements qu'on dit plus fréquents. Donc, sur les événements qui sont les plus fréquents, qui sont généralement de plus faible intensité, à ce moment-là, on va avoir des très grands impacts en matière de réduction des apports vers les réseaux d'égouts. Et lorsqu'on a des événements intenses, on va tout de même avoir une diminution des apports vers le réseau, ce qui pourrait permettre, par exemple, dans un contexte de changement climatique ou avec des événements plus intenses, de diminuer l'apport au réseau, qui est juste assez pour permettre justement de conserver notre niveau de service qu'on a actuellement. Quand on parle d'apport au réseau, c'est l'apport au réseau d'égout. Hein? C'est l'apport au réseau d'égout, au réseau d'égout. C'est l'apport en eau de ruissellement vers le réseau d'égout. Ouais. Et est-ce qu'on peut quantifier toutes ces solutions, si on les met bout à bout, est-ce qu'on peut quantifier pour voir si ça suffira ou combien il faudrait faire de jardins de pluie? Oui, en fait, nous, ce qu'on utilise, c'est un modèle hydrologique puis hydraulique. Donc, c'est un modèle qui simule un territoire et qui simule l'écoulement en surface, l'écoulement des eaux de ruissellement en surface et en conduite. Donc, ça nous permet, si on veut, de connaître la performance de notre réseau actuel. Et par le suite, on peut mettre en place dans notre modèle plusieurs mesures de type jardin de pluie. Et à ce moment-là, ça nous permet d'évaluer à grande échelle quel est l'impact sur tout un réseau. Là. Par contre, ce qui manque un peu au Québec, en fait, c'est des aménagements qui sont mis en place et sur lesquels il y a un suivi qui a été effectué. Donc, ce qui nous permettrait vraiment de connaître l'efficacité d'un aménagement sur plusieurs années parce que, au Québec, il y a toujours les conditions hivernales qui viennent mettre un point d'interrogation là-dessus, à savoir est-ce que l'aménagement va aussi bien fonctionner l'hiver que l'été. Ouais. Et donc là, il y a quelques... quelques tests, quelques travaux qui ont été effectués là-dessus, bon, pas au Québec, mais dans d'autres endroits, par exemple, du sud, du nord des États-Unis qui ont quand même de la neige. Mais en fait, c'est ça qui nous manque, ouais. Là, si on veut. Là. C'est vraiment un suivi pour, avec ouais. des aménagements réels. Donc là, si je comprends bien, c'est que vous établissez un modèle, donc par exemple pour Québec, où on rentre toutes les caractéristiques de la ville, les pentes, les réseaux d'égouts, etc. Donc là-dedans, on est capable de figurer les écoulements d'eau, de ruissellement dans les rues, etc. Oui, puis vous ça. Ajoutez donc un jardin de pluie ici, des gouttières, des branchées ici, puis vous regardez ce qui se passe. Oui, c'est ça, on regarde ce qui se passe. En fait. Dans le modèle, ensuite, on intègre une pluie, ouais. puis on regarde ce que ouais. ça donne. D'accord. Ce que ça nécessite, c'est bien sûr, c'est d'aller sur le terrain, ouais. d'aller voir justement les endroits qui offriraient une possibilité pour mettre justement des mesures mm-hmm. en place. Ce qu'on fait également, c'est aller sur le terrain pour voir, parce qu'il y a déjà des gens que leurs gouttières sont débranchées, donc on va sur ouais. le terrain, on vérifie à peu près bon, qui a déjà débranché leurs gouttières, on essaie de faire un peu une moyenne avec tout ça pour par la suite entrer ça dans nos modèles et voir, bon, mm-hmm. par la suite, si on se dit qu'on débranche encore plus de gouttières, bon, on dit que ouais. 60% des toits des maisons sont déconnectés du réseau d'égouts, ben, on regarde l'impact que mm-hmm. ça a sur la performance ouais. sur nos réseaux d'égouts. Donc après, là, ce qui manque, c'est d'aller valider ce modèle-là avec des mesures qui sont réellement en place. De faire un suivi sur les mesures qui ont été mises en place. Oui, c'est un peu ça, ouais. Parce que ça permettrait de valider le modèle et mm-hmm. puis peut-être de poursuivre aussi. Oui, oui, oui. C'est ça. Exactement, oui. Bah, c'est fort passionnant, là, mais on voudrait effectivement qu'il y ait des solutions qui soient mises en place et qu'on apporte un suivi, là, parce que sinon... On travaille là-dessus, on essaie ouais. de trouver justement des... Ça prend, bon, souvent, ça prend plusieurs participants pour un tel projet, mm-hmm. donc là, c'est mm-hmm. ça qu'on essaie de... Mm-hmm. C'est ce qu'on essaie de trouver présentement, là. Mm-hmm. Ben, merci beaucoup à M. Bolduc d'être venu nous faire part de ces travaux qui se réalisent ici à l'INRS à côté de chez nous et puis de nous faire prendre conscience aussi que finalement ben, les changements climatiques c'est pas vraiment de la science-fiction puis qu'on s'y intéresse dès maintenant dans les laboratoires. Ah oui, ben ça on le voit déjà, il y a plusieurs déjà même des compagnies d'assurance qui ont augmenté le frais par rapport au refoulement d'égouts parce qu'ils voient bien qu'il y en a de plus en plus. C'est pas seulement à raison des changements ouais. climatiques, il y a le vieillissement des infrastructures, mais on voit que le phénomène est déjà présent quand même. C'est fort, fort intéressant. Merci beaucoup M. Merci de m'avoir invité. Donc je rappelle que M. Bolduc est assistant de recherche au laboratoire du professeur Alain Maillot à l'INRS. Et maintenant, on va faire il ne pleut toujours pas, donc on peut toujours pas voir si on aura un phénomène de pluie intense ce soir ou pas, mais on va quand même faire notre pause musicale sur CKRL au 89,1.